Du 27 juin au 7 juillet 2019 se déroulait le Festival du cinéma de La Rochelle. Clément y est allé pour cinéphile de notre temps, accompagné de son fidèle micro et de notre chère illustratrice, Anna. À la sortie de plusieurs séances, ils ont attrapé quelques témoignages de spectateurs, d'âges et de cinéphilies différentes, au milieu du brouhaha des discussions dans le hall du cinéma. Nous vous livrons ces témoignages sous la forme de trois pastilles, correspondant aux trois rétrospectives du festival. Troisième et dernière rétrospective consacrée à Dario Argento, Clément et Anna se sont entretenus avec deux lycéennes en option cinéma qui racontent leur découverte de ce spécialiste du giallo italien à travers quelques-uns de ses plus grands films. Il y a un extrait qui m'a vachement marqué dans le film Phenomena de Dario Argento. C'est quand en fait la jeune fille interprétée par Jennifer Connelly, elle a des pouvoirs, elle peut communiquer avec les insectes. Et elle se retrouve en fait confrontée à toutes les autres filles parce qu'elle est dans un espèce d'internat pour études de jeunes filles en Suisse. Et en fait il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est quand les jeunes filles découvrent en fait qu'elle a des pouvoirs un peu surnaturels avec les insectes parce qu'elle a écrit une lettre à son père pour lui avouer ça. Et en fait toutes les jeunes filles se mettent à se moquer d'elle, à l'insulter, à comme lui taper dessus et tout. Et en fait ça m'a beaucoup fait penser à Carrie de Brian De Palma et au livre de Stephen King. Du coup moi c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué par rapport à ça. Et justement en fait elle s'en sort en appelant je sais pas combien, un milliard de mouches collées aux fenêtres, c'est absolument dégoûtant. Et c'est très très impressionnant et ouais ça m'a fait beaucoup penser à toutes les figures des jeunes filles comme ça qu'on trouve dans le cinéma qui sont un peu... qui ont un peu des dons surnaturels qui du coup les différencient des autres et on ressent beaucoup cette injustice là à ce moment là et en fait on est presque satisfait en fait qu'elle fasse venir toutes ces mouches parce qu'on se dit mais voilà quoi, les gens voient. Et ça arrive très très souvent dans le cinéma que certains personnages n'arrivent pas à se défendre et elle en l'occurrence elle arrive très très bien. Voilà, c'est une séquence qui m'a beaucoup marquée. Bah, du coup, moi, il y a une séquence qui m'a particulièrement marquée, c'est la scène d'ouverture du film L'oiseau au plumage de cristal de Dario Argento. Parce qu'en fait, c'est un personnage qui se retrouve coincé dans le sas d'entrée d'une exposition, d'une galerie d'art, où une femme vient de se faire poignarder. Et en fait, il est coincé dans ce sas, il ne peut pas entrer, il ne peut pas sortir. Et en fait, ça montre... c'est vraiment une séquence qui est significative du cinéma d'Argento parce qu'il y a souvent le thème des fenêtres qui revient. Et les personnages se retrouvent souvent coincés dans des endroits clos, surcadrés, où en fait, la fenêtre fait office de vitrine du meurtre. Et donc, du coup, il se retrouve coincé dans cette entrée. Il est totalement impuissant et au final, il est témoin d'un meurtre sur lequel il ne peut pas agir. Et du coup, ça m'a marqué parce que la séquence est très belle, très bien filmée. Et en plus, ça montre vraiment bien l'étendue du cinéma d'Argento. Et voilà. Super, merci.